Galaxy. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Sur Galaxy Radio 95.3. 2 heures de musique industrielle non-stop avec Dergagolini et EBM Nator. Electro, Indus, EBM, Synthpop, Darkwave, New Wave, Ambient, Metal, Gothic, Post-Punk, Power Electronics. Sans pleurs et sans reproches, Dergagolini et EBM Nator. Lundi 20h-22h sur Galaxy Radio 95.3. Sans pleurs et sans reproche. Toutes et tous les bienvenus dans cette nouvelle édition de Sampleurs et sans reproches. On est le 26 février, c'est la numérotée 1315 et au programme que des bonnes choses. Et ça a commencé sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas Greg? Oui, oui, on les avait en concert durant ce mois de janvier, Voxlo, dont j'ai appris avec surprise, et bonne surprise, la sortie d'un nouvel album, il y a quelques semaines seulement. Et on vous le présente, bien entendu, par la même occasion, les albums de Voxlow sortent sur un label français très connu, c'est Born Bad Records. Et je peux annoncer qu'on a un nouveau partenariat, label, partenaire, promo, avec Born Bad Records. Ça, c'est vraiment très très cool aussi. Donc voilà, on démarre bien l'émission avec de la promo, le nouveau Voxlow, qui s'intitule Keep on Falling, et on s'écoutait la plage titulaire de cet album, qui est un... J'ai pas peur du mot, un chef-d'œuvre. Pour ceux qui aiment Nine Inch Nails, notamment, vont vraiment triper à mort. Il y a également une grosse influence de rock progressif qui sévissait dans les années 70. Un super, super mélange. Voxlow, Keep on Falling chez Born Bad Records. Ce sera notre sélection de la semaine. Pour ce soir, on retrouve un deuxième extrait avec plus d'informations autour du groupe et autour de cette sortie d'album. Voilà, en tout cas, on est vraiment très, très heureux. Ce soir également, au sommaire, nous aurons plusieurs invités, notamment Philippe Tellier de Eclectronique, hein, qui sévit, un de nos confrères de Radio Scarpe Sensé. Ça fait des années qu'on se fréquente, qu'on échange dans les émissions des uns et des autres. Et cette fois-ci, c'est à notre tour de recevoir Philippe, qui nous a très gentiment reçus à plusieurs reprises dans son émission ces derniers mois. Donc ce sera dans le cadre, bien entendu, d'une petite séquence qu'on aime beaucoup ici à Sampleur. C'est la séquence rédacteur pour Sampleur. Et il y a également un autre invité, mais je vais laisser Walter prendre la parole pour le présenter. Ce sera Pascal de Original Band qui viendra nous présenter son tout dernier album qui n'est pas encore sorti, qui sortira que le mois prochain. Et on sera les premiers à le présenter. C'est un projet qu'on soutient depuis des années, années ici à Sampleur et sans reproche. C'est du local, c'est du très bon. Donc soyez à l'écoute. Bah écoute Walter, une exclusivité encore une fois. Bravo, bien joué. C'est Sampleur. Voilà, il y a également tout à l'heure, durant l'agenda, encore pas mal de dates et d'événements à annoncer tout à l'heure. Vous allez voir, des très très bonnes surprises nous attendent. On va poursuivre l'émission avec une sélection, un petit rappel. Hein. Bah oui, un petit rappel, un album qui sortira en mars ou en avril prochain, c'est celui de Poison Point. C'est vraiment une superbe sortie chez les Italiens de Avant Records. C'est donc le projet français Poison Point, dans ce concentré de 9 morceaux qui est le troisième album Wandering Echoes. C'est un Parisien qui s'appelle Timothée Guénet, peut-être plus connu sous le nom de Four Horsemen. Le morceau qu'on va diffuser ce soir est en français et il s'appelle Les Meurtrières de l'Aube. J'aimerais bien savoir à quelle référence ce titre évoque. Continuera avec la petite production DK Records de la semaine, ce sera Fugitive Artifact, avec un morceau de Differentiator, et on terminera par une nouveauté de chez Center Records. Thank you. premier Poison Point avec les meurtrières de l'aube de l'album Wandering Echoes et ça va sortir chez Aventure Records. Juste après, c'est un producteur du nom de Peter Riglin qui a commencé sa musique électro-techno à Atlanta et qui vit maintenant à New York. Son tout premier album part absolument dans tous les sens de ce genre musical qui l'orne très souvent vers la Cold Wave. Cet album, c'est Differentiator. On ne ressent aucun fil conducteur sur cet album, mais il y a toujours de bons passages, raison pour laquelle je n'hésite pas à vous le présenter. C'était Fugitive Artifact avec le morceau Personnel. Et en tout dernier, aussi un album qui part vraiment, mais vraiment dans tous les sens, c'est Lockstep de Inspira. On s'est écouté le morceau Amphareus et ça sort chez Center Records. Cet album vraiment commence par de l'électro assez large pour se diriger vers du breakbeat. Du métal, j'en passe et des meilleurs. Et vous êtes obligé d'apprécier un des morceaux tant les styles sont différents. Et pourtant, c'est vraiment l'œuvre d'une seule et même personne qui s'appelle Sergei Kuznetsov, qui fait de la musique sous des projets différents depuis 1999. On va passer donc à notre premier invité pour ce soir. On va retrouver notre ami Philippe Tellier de l'émission Eclectronique. Hein, il est déjà venu à plusieurs reprises dans l'émission. Et comme je le disais en début d'émission, on se fait un malin plaisir à s'échanger des invitations dans nos émissions respectives. À notre tour de t'inviter. Donc bonsoir Philippe, bienvenue. Bonsoir, merci de m'inviter. Écoute, dans le cadre d'une nouvelle séquence rédacteur pour Sampleur, je t'ai proposé de venir avec ta sélection, bien entendu. En plus, elle correspond bien avec les news et l'actualité des agendas, concerts. Ça, c'est très cool. Mais bon, allez, petite parenthèse, revenons à Eclectronique. On a déjà évoqué la création de ton émission de radio. Tu es toujours maintenant à Radio Scarp Sensé. Tu arrives à combien d'émissions maintenant, à peu près? Écoute, que je fasse le compte, je vais dire presque 450 sur Arras. Ah oui, quand même, ouais, effectivement. J'en suis pas votre nombre à vous. Hein. Mais bon, tu étais presque arrivé à une petite dizaine d'années, tu me disais, non, t'avais pas un anniversaire à mettre en place, dis-moi. En fait, l'anniversaire a eu lieu en 2022, mais malheureusement, j'étais souffrant. Oui. Donc j'ai pas pu le fêter à ce moment-là, donc il va falloir que j'attende un petit peu maintenant pour les 15 ans peut-être. Dis-moi, alors dans ton émission, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la spécificité? Ta première heure est dédiée plutôt à la techno, si je ne m'abuse, et après on passe aux invités, à des choses plus EBM, plus dark. Disons que l'émission, quand elle a été créée, c'était d'abord pour moi la volonté de diffuser plutôt les sons des années 80, qui sont les sons qui m'ont bercé depuis, on va dire, 14-15 ans. Et puis, l'émotion a évolué au fur et à mesure. Comme j'avais des goûts musicaux très éclectiques, j'ai décidé, en fait, de couper l'émission en deux et de faire, effectivement, une partie axée sur les sons un peu plus récents, du type techno, trance, et de conserver dans la deuxième partie le son hérité des années 80, la New Wave, le BM, la synth-pop. Et depuis quelques mois, on va dire, j'ai même un petit peu élargi mon spectre, parce que au départ, l'émission, c'était vraiment une émission de purement de musique électronique. Et maintenant, j'intègre aussi des sons qui font partie de la même famille, hein, comme le post-punk, la cold wave, le gothique, parce que j'aime aussi ce type de musique et que c'est un petit peu complémentaire et ça permet d'avoir aussi un éventail un peu plus large de toutes les musiques alternatives dont on parle et dont vous parlez également dans votre émission. Ah oui, moi je trouve que c'est tout à fait légitime hein, de passer ce genre de musique également. Il y a un côté plus électrique qu'électronique parfois, mais bon, voilà, c'est vraiment, comme tu dis, la même famille musicale, ça provient des mêmes sources. Philippe, tu nous as choisi trois titres pour ce soir. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu ta sélection? Alors j'ai pris mes petites notes hein, parce que en vieillissant la mémoire joue parfois des tours. Alors par sécurité, ouais, tu m'as gentiment demandé de choisir trois titres. Alors on parlait justement de mes racines musicales et le premier groupe qu'on va écouter, c'est justement un des groupes que j'ai écouté au tout début où j'ai découvert la musique électronique, Front 242. Est-ce nécessaire de les présenter? Moi, je les ai découverts en 1984 avec le titre No Shuffle, extrait d'un album monumental, hein, No Comment, considéré comme un des disques phares de l'EBM. Par contre, le titre qu'on va écouter, il n'est pas extrait de cet album, mais du EP Politics of Pressure, qui est sorti l'année suivante, en 1985. C'est le titre Don't Crash. Alors pourquoi j'ai choisi ce morceau? Tout d'abord parce que Front 242 va être en concert en fin d'année. Et ouais. Et que c'est aussi une façon de rendre hommage à ce groupe qui a vraiment marqué la musique électronique hein, dans tous les courants qui existent. Et puis j'ai dégoté un remix qui est sorti il y a deux jours, donc c'est vraiment tout récent. C'est signé par un DJ, producteur et remixeur argentin qui s'appelle, persuadé de la bonne prononciation, mais je vais quand même me lancer. Il s'appelle Julian Bauza et son pseudo c'est TSF pour Technoman Santa Fe, du nom de la ville qu'il a vu naître en Argentine. Et je vous invite à retrouver, il a une chaîne YouTube où on peut écouter de nombreux remixes qu'il poste très régulièrement. Il y en a quasiment un toutes les semaines. Alors il y a une prédilection pour les groupes des années 80, Depeche Mode, Erasure, Gary Numan, Yazoo, Kraftwerk. Et puis c'est le deuxième remix de Front 242 qu'il produit. Il y avait eu Headhunter il y a quelques mois. Donc, vous allez pouvoir découvrir cette nouvelle version avec un son un petit peu différent de l'original. Pour le deuxième morceau, j'ai choisi un groupe allemand qui s'appelle Vigand. Donc ça c'est pas une nouveauté parce que c'est sorti l'année dernière, c'est un groupe qui nous vient de Cologne. Alors, le son pourrait le situer entre synth-pop et électro. On va écouter un titre qui s'appelle Alive, qui est extrait de leur troisième album, qui s'intitule Arrived, qui est donc sorti au printemps 2023. Alors, au programme, vous allez avoir une rythmique très dansante, qui se rapproche un petit peu du son future pop, une mélodie très mélancolique. Puis vous verrez à certains moments du morceau, des petites notes de piano. Voilà, un titre en tout cas fait pour les clubs. Et la troisième sélection, c'est un groupe également allemand qui s'appelle Northern Light. Donc eux, ils évoluent entre synth-pop et new wave. Ils sont menés par leur leader qui s'appelle Andreas Kubat. Alors le groupe est pas du tout nouveau. Hein, il existe depuis 1997 et il a une carrière assez incroyable parce qu'ils ont sorti rien de moins que 15 albums. 4 albums live et un album unplugged, plus de 40 singles, donc c'est assez incroyable leur carrière. Alors ils ont explosé en pleine vague électroclash avec le titre Treat Me Better, je sais pas si ça vous parle, et après avec un titre qui s'appelait My Pain, qui a été remixé par The Hacker, façon électrotech. On va donc écouter un extrait de leur tout dernier album qui est sorti à la fin du mois de janvier. L'album s'appelle A History of Love. On va écouter le titre Poison, un titre qui résume vraiment parfaitement le style du groupe avec une voix new wave très très grave, des rythmiques et des ambiances très club et accrocheuses. Un bon échantillon de la carrière de ce groupe. Eh ben dis donc, t'as pas besoin de tes notes en fait, je te le dis. C'est juste une petite aide. Non mais en tout cas, si vous avez apprécié ce genre, et vous, en plus si vous voulez nous faire découvrir des choses ce soir, notamment avec Vigand, voilà, si vous voulez retrouver Philippe, vous avez vu, hein, il y a quand même un vrai talent, et puis il fait découvrir énormément de choses dans son émission. On rappelle, c'est tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio Scarpe 106 et 94.1 FM, et c'est une radio basée dans le Douaisis, c'est ça? Ou la Rajoie? Dans la Rajoie, oui. Ça se trouve à une dizaine de kilomètres d'Arras, et l'émission est également rediffusée le samedi soir et le dimanche dans l'après-midi. On présente ça bien sûr de manière exceptionnelle puisque voilà, il n'y a pas de concurrence entre nous, c'est une radio amie. Allez jeter une oreille, pourquoi pas, ou sur les podcasts. Écoute Philippe, grand merci pour cette séquence. On va passer tout de suite à la musique. Allez, c'est parti dans Sampleur et son reproche, séquence rédacteur pour Sampleur par Philippe Tellier de Eclectronic. Galaxy. Un invité, une sélection, une chronique, une séquence, rédacteur, pour sans son. We'll be right back. Every stranger. night. I can see your black flag, the way you play your part, looting lonely hearts. Poison in your eyes, deafening my senses. Superbe séquence programmée par notre pote Philippe Tellier de Eclectronic. Donc, ouais, petit récapitulatif de ta séquence, et mais quel bon remix tu as choisi hein, quand même pour Fondo 4-2. Bah, écoute, il faut surtout remercier le fameux Julian qui est l'auteur de ce remix, qui est vraiment très, très, très doué. Il y a pas mal de remixeurs dont on parle beaucoup en ce moment. Et il fait partie de ceux-là. Oui, oui. Puis d'ailleurs, j'ai vu son pseudonyme traîner du côté de chez Akuma Records. Notre ami Steve Bob a également travaillé avec lui pour certains remixes pour Indochine et Depeche Mode. Effectivement, ouais. Donc on a écouté le titre Don't Crash qu'il a remixé. Mais il y a vraiment... je vous dis, c'est sorti le 24, donc il y a deux jours. Mais en plus, ce remix est assez fidèle à l'original. En tout cas, c'est une vraie marque de respect. En tout cas, un très bon remix. Un bel hommage, on va dire. Ouais, c'est vrai. On a eu aussi le groupe Vigand avec le titre Alive, extrait de l'album Arrived, qui est sorti l'année dernière. C'est une autoproduction, hein, c'est ça. Exactement. Et puis le dernier titre, c'était le groupe Northern Light avec le titre Poison, extrait de leur 15e album à ce jour, qui s'appelle A History of Love. Ils sortent des disques quasiment tous les ans, donc c'est pas dur. Ça va très très vite. Ouais. Ils sont très très prolifiques et en plus, la plupart du temps, la qualité est au rendez-vous. Donc c'est la marque des grands groupes. Sur Yuna Music, je pense que c'est un truc fait maison, ça aussi. Hein. Je pense que c'est leur propre label, effectivement. Ouais, tout à fait. Écoute, Philippe, encore un grand merci pour cette sélection. Merci d'être avec nous ce soir dans Sans pleurer sans reproche. Moi, je reviendrai avec Walter avec plaisir dans ton émission. Vous êtes les bienvenus. Hein. Comme, vous pouvez venir toutes les semaines avec plaisir. Et c'est vrai que tu reçois pas mal d'artistes. Hein. On s'échange un petit peu, on se fait des relais parfois. Tu as encore reçu Shiny Darkness bien mercredi dernier. Est-ce que tu as d'autres rendez-vous comme ça prévus pour les prochaines semaines? Bah écoute, pas pour l'instant, mais il va certainement y avoir des dates qui vont se préciser dans les semaines à venir. En tout cas, on relaie l'information sur les réseaux sociaux et également dans nos agendas. En tout cas, c'est toujours un plaisir particulier de partager un moment radio avec toi. C'est vraiment très très cool. Merci. Bah, c'était une longue amitié, il faut le dire hein, quand même, parce qu'on se connaît depuis très très très longtemps. Tu m'avais fait le plaisir de me contacter quand j'officiais à l'époque sur Radio RPL, sur Lambersart. Et depuis qu'on s'est rencontrés par l'intermédiaire de la musique, on a noué des liens qui vont bien au-delà. Tu m'as fait rencontrer beaucoup de monde, y compris notre cher Walter qui est à côté de moi. Et c'est une belle famille que la famille de la musique électronique alternative qu'on défend depuis tant d'années. Écoute, voilà, en toute simplicité, c'est ce que j'adore. Ouais, tout est dit. Par contre, une petite un petit souhait, s'il te plaît, Philippe. Est-ce que tu peux me laisser gagner au tennis demain, s'il te plaît? Je vais y réfléchir. La nuit porte conseil, Greg. Sur le terrain, mais sinon, lien. Tu auras ta revanche jeudi. Ouais, exact. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, on va passer à la suite de la programmation. Et Walter, tu vas intervenir pour accueillir notre deuxième invité ce soir. Ouais. C'est Pascal Aspel de Original Band. Voilà, il a plein de choses à raconter sur le nouveau line-up du groupe et également la sortie de son nouvel album. Je te laisse poursuivre, bien sûr. Ouais, non, il va venir au micro. Tu présentes le premier morceau et on enchaînera avec l'interview en cours de... Je sais pas comment tu veux... Moi, j'aurais bien aimé qu'il vienne, notre cher Pascal, pour présenter tout ça. Quelques mots, alors, on a attendant qu'il arrive ici au micro dans les studios de Galaxy. Bah, d'ailleurs, Pascal, c'est une longue histoire aussi, puisque c'est toi qui nous l'a présenté, c'est toi qui l'a fait jouer d'ailleurs en plusieurs fois en concert. Là aussi, des liens très forts hein, qui datent des années 80-90, notamment un lien très fort avec Depeche Mode. Et voilà, ça s'est beaucoup développé par la suite. Voilà, Pascal est arrivé à sa place devant le micro. Salut Pascal. Salut Pascal. Bonsoir. Bienvenue à nouveau dans Samploration, le prochain Galaxy. Un grand merci pour votre invitation. Mais c'est un grand plaisir. Alors, tu n'étais pas venu depuis 2020, depuis la sortie de... The Forgotten Garden. Voilà, du premier album officiel de Original Band. C'est ça. De l'eau a coulé sous les ponts. Alors, je te laisse le choix. Soit on passe un morceau tout de suite, on parle de l'album après, ou on parle de l'album, on passe deux morceaux de suite. Qu'est-ce que t'en penses? On parle de l'album? Allez, vas-y. 2020-2024, mais ça sort le mois prochain. Tu voulais pas faire tout ça pendant le liner plutôt? Ouais, vas-y, allez, on va. Donc le liner en premier? Vas-y. Ok, à tout de suite. On va balancer le petit jingle en plus, on l'a fait spécialement pour toi. Merci. Galaxy. L'interview de la semaine. Et nous voilà en direct, Pascal, avec un tout premier extrait de ton nouvel album qui s'appelle Alone With Myself. Qu'est-ce qui s'est passé depuis The Forgotten Garden? Beaucoup de choses. Comme tu dis, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc maintenant, je suis tout seul à la prod. Ma fille vient de me rejoindre depuis le mois d'août au clavier. Ludo et moi sommes séparés pour raisons personnelles et je le remercie pour cette aventure que j'ai vécue avec lui. Oui, très bien. Après, c'est les choses de la vie. Hein. Ouais, chacun, c'est ça. Chacun évolue. Il faut respecter. De son côté également. Et tu parlais également de ta fille qui a déjà fait une prestation sur scène avec toi, hein, je crois, c'est l'été dernier, c'est ça? Oui, exactement, au Château d'Étainbourg. Elle s'est très bien débrouillée. Elle a eu juillet, août pour réviser et ça a porté ses fruits. Alors, c'est papa professeur de synth-pop, alors, c'est ça? C'est ça. Walter, je te laisse poursuivre. Ouais, et vous avez déjà présenté des morceaux de Alone With Myself en août dernier au château? Oui, en fait, on les a joués en maquette. C'était pas encore produit, mais oui. On les a joués. Alors, qui fait quoi, du coup, maintenant? Je fais tout seul. Et Lina vient en renfort en live. En live, ouais. Voilà, parce qu'elle poursuit ses études, donc assez compliqué de joindre les bouts. Ouais. Donc, voilà. Donc, Donc c'est pour ça que cet album s'appelle Alone With Myself. Exactement. Combien t'as de morceaux dessus? 13. 13, ça porte bonheur. On verra. Qu'est-ce qui t'a appris à... Enfin, qu'est-ce qui... C'est quoi ta motivation sur cet album? Te retrouver tout seul, te faire le point, c'était quoi? Je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de... composer et de produire. Et voilà le résultat. J'en suis assez content. Il sort quand alors, officiellement? Fin mars. Fin mars? Oui. Tu es toujours en autoproduction ou comment tu fais? Alors, sous le label de Foundry Records. Ok. Donc tu auras une édition en matériel, en physique? En CD et en streaming. Ok. Foundry Records, hein, qu'on rappelle, c'est un label parisien. Elle développe un petit peu l'idéologie autour de tout cet album, ces 13 morceaux. Tu dois faire une chronologie. Beaucoup de chansons d'amour, beaucoup de chansons de remise en question, je dirais. Des textes qui me concernent. Go Ahead, par exemple, hein, on en parlait tout à l'heure, ouais. Qui est un texte sur la maladie. Donc d'une personne que je connais qui a su combattre cette maladie. Donc j'ai écrit ce texte pour lui, car il a réussi à remonter la pente. Je fais un petit bisou à Steve. Voilà. Et les autres morceaux là, on est en train d'écouter Rain of Promises. Pluie de promesses, hein. On se fait beaucoup de promesses qu'on tient pas forcément. Hein? Nous, on les tient toutes. Et d'ailleurs, durant cette interview, Walter, tu as fait une telle sélection. Tu veux parler des morceaux qu'on diffuse ce soir? Ouais, là, c'était Rain of Promises. Après, je diffuse en liner comme ça My Daughter, qui, je suis sûr, parle de ta fille. Exactement, une de mes filles qui vit pas à la maison et qui forcément me manque. Ouais. Voilà. Donc, j'ai écrit cette chanson pour elle. Tout simplement. Et qu'est-ce que tu racontes dans cette chanson? Que quoi qu'il arrive, malgré qu'elle soit pas avec moi, je serai toujours là pour elle. Voilà. Et juste après, il y aura The Missing Link, qui peut la même état d'esprit. The Missing Link, c'est un texte de Jérôme Mopti, qui faisait partie du groupe Original Band dans le temps. Ouais, je me souviens, très sympa. Voilà, il m'a offert ce texte, chanson d'amour, qui, je pense, l'a écrit pour sa femme. Voilà, donc cette chanson-là n'est pas la mienne. Ah. Et tu lui passeras le bonjour si tu veux encore un contact. Oui, toujours en contact. Ouais, j'ai de très bons souvenirs avec lui. Vraiment quelqu'un de très très sympa. Exactement. Et le dernier morceau de ce liner, c'est The Bass Name. Bass Name. Ouais, chanson d'amour. Que dire? La façon de s'exprimer vers celle qu'on aime. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part je t'aime, The Bass Name? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À part prouver. Ouais, donc cet album s'appelle Alone With Myself, mais il y a pas mal de thèmes différents, mais ça tourne autour de ta vie, évidemment, puisque c'est le titre. Mais tu abordes quand même pas mal de thèmes. En fait, ça tourne autour de ma vie, mais sur la vie des autres aussi. Parce que les gens peuvent s'y retrouver dans ces textes, dans ces chansons. Avec tous les thèmes abordés. C'est ça. Même les plus mauvais. Je ne sais pas s'il y a des mauvais thèmes. Et t'envisages quoi par la suite? Original Band va sortir son deuxième vrai album. Oui. Je ne sais pas si on peut dire ça, vrai album, parce que c'est presque péjoratif, mais c'est le cas. Oui. Je continue. Donc ensuite, il y a des dates en cours, là. Je peux pas donner de... Tu peux pas en parler tout de suite? Non, c'est en cours. Voilà, ce sera sur le nord de la France, sur la Belgique. J'ai quelques petites choses à régler avant, et puis après, on est parti, on fera plusieurs dates. Et concernant Lina, c'est quoi? C'est son rôle, c'est uniquement le clavier sur oui, scène? Oui, uniquement le clavier sur scène, oui. C'est ça. Et elle accompagne son père sur chaque concert, du coup? Oui. Tu auras d'autres intervenants ou... Non, c'est pas prévu. Je n'y ai pas pensé, d'ailleurs. Bonne question. Je ne sais pas, peut-être. On ne sait pas ce que l'avenir nous dira. Au gré des rencontres. Oui, c'est ça. Que tu vas faire. Mais celui qui voudra intégrer Original Band aura beaucoup à prouver. Des tests, des épreuves. En sincérité et en. Et en tant que musicien. Ce sera un original test. Pour situer un peu Original Band, ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait au moins 20 ans, non? Non. Quand même. Je me souviens de toi à Pastel FM, ça fait au moins. Ça fait pas 20 ans. Allez, 15 ans, 15 ans. Allez, un petit 15 ans, oui. Mais officiellement, je dirais 10 ans, parce qu'il y a eu beaucoup de. Il y a eu pas mal de reprises, des covers, des Dépêche Mode. C'est ça, il y avait des concerts avec 15 des cours, covers. Et puis c'est à fur et à mesure qu'on a commencé à composer et à essayer de se détacher des covers. Mais on en fait encore toujours, hein, parce que le public qui vient de nous voir, c'est souvent des fans de Dépêche Mode, de New Wave. Donc on passe un ou deux petits morceaux. Oui, ça fait plaisir aux gens. Il y a toujours l'image de Dépêche Mode qui te colle à la peau. Et est-ce que sur cet album, tu te débarrasses un petit peu de. Bah, peut-être de ces chaînes, je ne sais pas. Je crois que ça te fait plaisir aussi d'être parfois comparé. Mais est-ce que c'est pas anti-productif? J'aime pas être comparé, sincèrement. Ouais. C'est bien, Dépêche Mode, ouais, voilà. Mais ça va un petit peu. Voilà. Je veux que ce soit Original Band. Et pas Dépêche Mode. Non, bah, je crois que t'as passé le cap depuis longtemps, justement, tes influences musicales. Quelles seraient-elles sur Alone With Myself? Il y a un peu de tout, hein, je dirais. Certaines compos sont assez rythmées. Hein, bon, vous savez que j'aime bien Front 2-4-2. Donc, je ne veux pas faire un copier-coller, mais voilà. Un petit clin d'œil sur les rythmiques, sur certains sons. J'ai même racheté un clavier dont Front 2-4-2 a utilisé à l'époque pour essayer de retrouver leur son. Donc, ouais, dépêche-moi. Ouais. Et toi, tu colles aussi à l'actualité musicale? T'écoutes les groupes assez récents? Non. Non. L'actualité, c'est. Enfin... Bah après, moi je pense qu'en tant qu'artiste, quand tu composes, que tu travailles la musique, t'as pas vraiment le temps d'écouter autre chose en fait. Non, je n'écoute pas trop la radio. Eh ouais, attends, qu'est-ce que tu regardes? Ouais, dis donc. Je ne regarde pas trop la télé, pas trop les infos, parce que c'est que du négatif. Ouais, c'est sûr. Ah oui, la oui, télé, oui. Ça, t'as raison. Ah, la tue, ouais, c'est mortifère. À part la musique, voilà, dans mon studio. Coupé du monde. Et bon. Donc, ça donne ce nouvel album. Ouais, Alone With Myself, qui sortira donc en mars prochain. Fin mars, oui. Fin mars, t'as une date précise ou pas encore? Fin mars, oui. Donc t'as une date précise ou pas encore? Non, fin mars. Là, j'avais envie de passer deux morceaux pour oui. Illustrer cet album. C'est I Differ To You. On parlait du thème hors micro. Bon, c'est pas guiré. Hein. Oui, ben c'est le texte. C'est une personne qui arrive de l'autre côté, qui vient de quitter notre monde et qui s'en remet à Dieu. Voilà. Donc Pascal, avant de passer à ce morceau, est-ce que tu as d'autres rendez-vous live? Est-ce que tu vas défendre l'album sur scène à une occasion prochaine? Et donc quand est-ce que l'album va sortir? Donc l'album sortira fin mars. Incessamment sous peu. Des dates sont prévues, c'est en cours. Et j'espère jouer un peu partout. Alors, aux auditeurs et auditrices, on peut annoncer que tu as apporté quelques exemplaires à faire gagner durant l'émission. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et du coup, une fois qu'on aura démarré les deux morceaux que Walter a sélectionnés, je crois que c'est I Differ To You, suivi de Go Ahead, ouais. Eh bien, nous pourrons passer un petit concours antenne et puis on te fournira les contacts des auditeurs qui auront... J'espère remporter ça. Ça téléphone déjà, tu ça vois. Ça sonne déjà. D'accord. Sonne donc, il y a quatre albums à gagner. Voilà. Okay. C'est offert de bon cœur. C'est le premier album. Voilà. Oui, du premier album. Forgotten okay. Garland. Alors, je crois que le premier à avoir appelé connaît déjà le numéro du standard. Mais je rappelle quand même dans la foulée 03 20 83 57 57. Bon, pas tout de suite, hein, les copains. À moins que vraiment je réponde. Qu'est-ce que t'en penses, Walter? Je te laisse. Oh, attends, ouais. Développer. Parce que c'est toi qui démarre la. Oui, t'inquiète. C'est toi qui démarre les morceaux. Je suis au taquet, t'inquiète. Alors, Original Band, c'est en exclu, hein. Je crois que c'est ta première radio concernant cet album. Oui, exactement. et ça me va droit au cœur. Ouais, je te sens ému là ce soir, je le sens. Que tu es venu vers moi pour m'inviter. Mais voilà. C'est normal. Merci, c'est à, normal. À Greg et Walter. C'est bien normal. Deux personnes fidèles à la musique et aux groupes locaux. Mmh. Ouais. Et tu reviens quand tu veux. Bientôt 33 ans d'ailleurs. Ouais. Original Band, c'est en exclu, c'est dans son plan récent proche sur Galaxy Radio. Merci encore Pascal. C'est I Differ to You et ça sera suivi par le morceau que je préfère sur cet album. Je viens de comprendre que c'est un thème assez douloureux à évoquer, c'est comme ça. Ce sera le morceau Go Ahead. Merci. Merci Walter. C'est plaisir Pascal, tu le sais bien. Original Band, I Differ to You et Go Ahead. I defer to you. dreams. I know your best. What you will have to endure. All that weight on your shoulders. And yet, and yet. You're still standing. This is really not the time to give up now. To give up now. Go ahead. It's your top temperament. Go ahead. Forget your torment. illustrer donc cette entrevue avec Pascal de Original Band, deux extraits sélectionnés par Walter. C'était I Defer to You et Go Ahead. Donc deux extraits du prochain album de Original Band qui s'appelle Alone with Myself. Apparaître un certain jour de la fin mars, on ne sait pas encore lequel. Merci en tout cas Pascal d'être venu dans les studios de Galaxy Radio. Bon, il reste encore quelques CD à remporter si vous désirez encore participer au jeu concours antenne pour l'album d'Original Band. Je rappelle le numéro du standard 03 20 83 57 57. Vous pouvez nous appeler, les premiers qui nous appellent remportent un CD. Alors, on va passer maintenant à l'album de la semaine. Oui. Sélection, c'est Voxlo, donc un excellent groupe français emmené... en particulier par un certain Jean-Christophe Courdec derrière les machines et qui également chante pour le groupe. Hein. Donc c'est qu'on a pu voir sur scène à Tourcoing au Grand Mix il y a quelques semaines. Moi j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est assez transcendant, c'est hypnotique. On est vraiment dans l'influence du rock progressif des années 70 et on s'enfonce tout doucement vers des choses beaucoup plus récentes et des musiques plutôt électro, minimal synth wave, mais avec une grosse influence new wave tout bonnement. Et krautrock, Jean-Christophe Courdec, Mathieu Autin, Guillaume Léglise et Benoît Raymond sont les membres de Voxlo après quelques années, je crois en 2018, et leur premier album qui portait le nom du groupe Voxlo. Ils reviennent avec bien ce superbe album qui s'appelle Keep on Falling, paru assez récemment, je crois que c'était au mois d'octobre dernier. Donc ils ont défendu ce nouvel album sur scène et continuent d'ailleurs, ils étaient encore la semaine dernière avec The Ultimate Dreamers du côté de Bruxelles en concert. Et voilà, donc c'est une belle expérience. Ce nouvel album est totalement incroyable, beaucoup plus énigmatique et c'est comme une drogue en fait d'écouter cet album. Voilà, comme nouvel extrait de Voxlo, eh bien je vous propose le titre New Place in Town. C'est un crossover incroyable, plein d'influences viennent, c'est très new wave, très post-punk même. Et c'est notre sélection de la semaine ce soir, Voxlo, Keep on Falling, A New Place in Town, c'est le nouvel extrait. On est très très heureux d'être en collab avec Bandban Records, c'est un super label. On enchaînera avec une séquence, Need the Reb, Funkervogt et Wired Wolves, qui sont des nouveautés. Et d'ailleurs, Need the Reb sera en concert, on en parle après. Galaxy. sans reproche. Last. Bien en tout début, bien sûr, le deuxième extrait de notre sélection de la semaine, je rappelle, c'est le groupe Voxlo, excellent groupe français, avec leur nouvel album qui s'appelle Keep on Falling, qui est paru en octobre chez Born Bad Records, et c'est enfin en sélection de la semaine, enfin l'ensemble pleurait son reproche, après avoir vu des concerts exceptionnels à Tourcoing au Grand Mix. C'était le titre New Place in Town. Ensuite, on a... bien grossièrement enchaîné avec une séquence de trois titres, trois nouveautés, dont Need the Rab, qui est en concert, enfin qui seront en concert ce mercredi à Wascal, le Black Lab. Bon, j'ai sélectionné pour illustrer cet événement immanquable. Attention, il faut vraiment tous y aller. Et aller épauler, encourager Need the Rab avec le retour de Douglas McCarthy qui sort d'une grosse maladie et qui a raccroché avec les planches et sera sur scène avec Bon Harris. Et ça va être vraiment un super concert, j'en suis persuadé. Need the Rab, donc c'était Warsaw Ghetto, extrait d'un EP paru en 1985, une des toutes premières sorties. D'ailleurs, près Mute Records. Ensuite, c'était le groupe Funkervogt, là aussi dans un autre style, une autre forme d'électronique body music. Ils viennent de faire paraître un nouveau EP qui s'appelle Death Seed, annonciateur d'un nouvel album chez Repo Records, qui est une structure donc créée par deux anciens membres de Funkervogt, notamment Kai Schmidt. On s'écoutait un inédit issu de ce EP 5 titres, donc le single c'est Death Seed, mais j'ai une petite préférence pour le titre A Hundred Ways to Die. Alors bien sûr, il y a toujours cette imagerie extrêmement guerrière dans les visuels de Funkervogt, auxquels ils sont toujours fidèles. En tout cas, ce morceau, cet inédit, est très très bon. Et on va terminer avec une nouveauté de chez Out of Line Music, avec le nouveau single du groupe Wired Wolves, qui bien sûr accueille la fille de Martin Gore de Depeche Mode, Ava Gore. Et c'est un groupe qui fait un super crossover également entre rock industriel, synth pop. Ils font ça très très bien. On s'écoutait le titre A Lovely Day, encore un petit clin d'œil à Front de Quête 2. Et du single digital de titre The Wound That Keeps On Giving chez Out of Line Music. Donc on peut revenir sur Need the Rab et leur date à Wascal au Black Lab. Un très bien petit agenda. Je crois que tu veux annoncer quelques dates, Walter, c'est ça? Ouais, ben comme tu dis, Need the Rab, c'est à partir de 20h. Il y a Sydney Valette en première partie, ouais, au Black Lab. Ouais. Il y a encore des places. Bah oui. Donc c'est en semaine, donc allez-y. C'est vrai que c'est bien ce que tu dis. C'est pas parce qu'un groupe a été down une année que l'autre année il va pas. Ça c'est vrai, c'est la vérité. Donc on va croiser les doigts, je suis sûr que ça va être bien aussi, tu vois. Ouais, quand tu aimes, c'est pour toujours, c'est pour la vie. C'est vrai. Donc rendez-vous sur le Black Lab, le site du Black Lab pour avoir vos places. Et on remercie encore Mike d'être venu dans les studios de Galaxy la semaine dernière. Ouais, quel bon. Et de vous faire, et de vous faire gagner deux places pour Nuit de Rêve. C'est pas fini, hein, il y aura plein d'autres trucs. Concernant l'agenda Sampleur, lundi prochain, on va recevoir Oli et Marie-Claire de Alter Prod dans les studios de Galaxy Radio. C'est une asso montoise et un petit label aussi qui ils vont vous énumérer toutes leurs activités. Et ils travaillent beaucoup avec Ether Agency, dont voici les dates. Le 15 mars, il y a Vive la Fête et Faust Project, une after avec Marie Cox à la Ruche Verrière de l'Eau de Linsard. C'est au-dessus de Charleroi. Sur l'île, deux superbes dates. Le 8 mars, Band by Endogamy. Ce sont des Suisses que j'adore. Et je ne sais pas si Fleuve Noir jouera avant ou après. Toujours est-il que ça se passera à la Bulle Café de Lille. Et toujours au même endroit, une semaine après, le 15 mars, il y aura Le Roi se meurt avec Vision 3D, toujours à la Bulle Café. Bah, c'est du direct, là, de l'ambiance. C'est du vivant, c'est ça. Bah, l'ensemble pourrait son reproche, on est toujours le bienvenu. On fait toujours la fête. Car chaque moment de la vie doit être une fête. Exactement. Activité de Alain Haineuse, ça fait un bail. Ce samedi, il organise un karaoké spécial Indochine. Dark Alan. Et ça se passera à la Boule du Centre à Corin, Ramecroix. Le 8 mars, Dyselection et nos amis de Parade Grande, plus particules, au magasin 4 de Bruxelles. Et deux dates pour terminer me concernant. Le 9 mars, il y aura Whispering Sounds et Ultrasun. Plus un autre groupe qui s'appelle Bluble, si j'ai bien... Non, c'est BLVL. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est dans un lieu qu'on ne connaît absolument pas ici à Saint-Pierre-et-Sans-Roche. Ça s'appelle La Poche à Béthune. Je ne sais pas si tu connais, Greg. Oui, figure-toi qu'il y aura également organisé par Persona Grata. Ah oui, ça me parle, exact. C'est au mois d'avril ou au mois de mai, mais on va y revenir. Exactement. Et le 23 mars, là, il est actuellement dans nos studios. C'est Kevin de Magnetic Rust. Il jouera avec Ultranova au Distro, 6 rue Martens à Lille. Ah, t'as dit le mot qu'il fallait. C'est Ultrasun qui sera en concert. Ouais, exact. Avec un autre groupe également, très post-punk, qui m'échappe encore, disons, la mémoire nous joue des tours. Et on en parlait tout à l'heure, enfin Philippe en parlait, c'est Front 242, grosse actu hein, quand même ce week-end. Ils annoncent leur tournée d'adieu, ils annoncent ça le 24 février. Que du symbole. Ils joueront Black Lab le 6 décembre. Grosse date. Alors sachez, si vous venez d'écouter en direct, plus de la moitié des places sont déjà vendues en moins de 36 heures. Donc si vous voulez assister au concert de Front 242 au Black Lab le 6 décembre, une seule chose à faire, allez sur theblacklab.mofo. Ouais, et puis bon, une orga aussi menée de main de maître par Xavier de Persona Grata. Ouais. Donc là, franchement, il assure. C'est très très bon. C'est un beau finish. Moi, je vais rebondir sur l'émission de la semaine prochaine, donc le 4 mars. J'ai vraiment envie de rendre un hommage à Stéphane Meren de Nuit et Brouillard. Donc, je vais préparer une petite séquence. Et j'espère que je serai accompagné. J'en dis pas plus. Voilà, j'ai lancé l'invitation. En tout cas, personnellement, c'est ma manière à moi aussi de m'exprimer la radio pour un petit peu exorciser cette souffrance et ce vide que laisse Stéphane derrière lui. Mmh. Donc, voilà. Ça me tient vraiment à cœur. Donc il y aura un hommage aussi à Stéphane Denis Brouillard la semaine prochaine. Dans l'émission toujours, le lundi suivant, le 11, ça va être une sacrée fête aussi. On invite donc deux disquaires indépendants, notamment Jeff de Retro Shop Music, basé à Tourcoing-Ouattrelo, et également Anthony, qui vient de créer l'Art Baroque, à la place de l'ancien disquaire d'occasion manga Notambule, à Lille, rue Solferino. Donc voilà, les deux seront invités. On partage quelques moments avec eux. Bon, on est très très fans de vinyle, et franchement, quand on va chez eux, on est super bien reçus, et en plus, on trouve de superbes plaques. Alors voilà, on fera l'interview de chacun des deux, donc deux disquaires dans Sampleur et son reproche. On va se refaire plein de bons souvenirs. Et ce soir-là, je ferai une grosse partie de ma programmation jouée en vinyle. Ce sera 242% vinyle. Carrément, c'est pas mal ça. En réponse à l'émission de Phil et de Guillaume. Ça, faut le garder. Voilà. On va communiquer sur ce thème si tu veux bien. Vas-y. Ouais, c'est cool. Voilà pour la rubrique, en tout cas, ce qui me concerne. Moi, c'est pareil. Je ne sais pas si on... Dernière séquence. Allez, on va passer les deux. Voilà. Moi, je vais commencer avec un rêve, et on en parlait tout à l'heure. C'est un rêve que tout père voudrait exaucer, c'est faire de la musique avec un de ses gosses. Et c'est ce que POC a fait. C'est ce que font les Français de Front Machine, c'est ce que fait Pascal avec Original Band notamment. Et la POC, c'est la réunion de Mika Rossi, qui fait partie de Auto da Fé, and the Shame, et il s'est accoquiné avec son fils Sébastien, je ne sais pas si c'est une bonne formule. Toujours est-il qu'ils sortent un projet qui s'appelle POC, un EP It's No Fun sur Scanner. La voix de Mika est vraiment reconnaissable dès les premières notes de chant. Et c'est vrai que c'est Mika, c'est quelqu'un qu'on a vu plusieurs fois, c'est vraiment quelqu'un d'attachant. Comme on les aime ici à son pleur et son approche. Ah, c'est dommage, j'avais un jingle d'ailleurs de Mika. C'est intégré. Je vais en repasser un de toute façon de Poker. C'est cool. Ce sont les mêmes recettes que pour Auto da Fé. Hein. C'est dansant, c'est très moussant, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est uniquement pour se faire bouger le train après quelques mousses servies au bar. Ce sera le morceau My Panzerwagen. Après, ce sera Fractal Droning Promises. L'album Antidote, ça sort chez Aliens Production. C'est un Polonais qui fait de la musique depuis 2007. Thomas Lukowitz. On peut dire que sa musique a bien évolué. D'une électro-atmosphérique bien travaillée, on passe de plus en plus vers une EBM technique, comme celle que pouvait faire Hot Job dans les années 90. C'est vraiment un superbe album, Antidote. Et on terminera avec quelque chose qui va sortir en avril prochain, c'est Liberation de RTA. Et ça sort chez Freedom Club. C'est la branche un petit peu libertine de Enfant Terrible. Et je suis sûr que c'est Martin, l'unique instigateur de ce groupe RTA. Alors je le dis comme ça, mais ça ne s'écrit vraiment pas comme ça, c'est dur à prononcer. Là, il sort donc un vinyle 5 titres et en édition limitée, comme toutes les prods de Enfants Terribles. Je vais enchaîner avec une séquence, c'est aussi de la promo, donc je tiens vraiment à le diffuser. Il s'agit de nouveaux partenaires en plus promo, le label anglais Cherry Red Records, qui m'a envoyé une tonne de trucs vraiment super sympas. Et là, ils viennent de ressortir le Nova Acropola de Laibar en version Extended Edition, dans, sous forme d'un coffret 3 CD. On retrouve bien sûr l'album original, plus 2 CD live avec pas mal d'archives, hein, dans un boîtier luxueux. Et j'ai sélectionné de ce coffret 3 CD un extrait de l'album original, enfin la réédition, remasterisé de Nova Acropola. C'est le titre d'Ilibe. Hein, je sais, c'est pas très original. Il y a d'autres titres sur cet album qui sont vraiment, vraiment barrés. C'est très très sombre, très martial, et je vous promets d'en repasser d'autres, bien entendu. D'ailleurs, ce titre figure également sur la triple compilation Control I'm Here qu'on a présentée il y a 2 semaines dans l'émission Sélection de la Semaine, super compilation parue chez Cherry Red Records. En tout cas, là, on va donc diffuser un petit live bar d'Ilibe, live bar qui sera également en concert bientôt grâce à l'agence Ether Agency en Belgique. On suit ça de près. Ensuite, Mildreda, nouvel extrait de l'album Blue Devil, extrêmement sombre également. C'est beaucoup influencé par Skinny Puppy, mais c'est beaucoup plus, on va dire, minimaliste encore et peut-être encore un poil plus sombre. C'est paru chez Dependent Records en 2023, fin 2023. Et je vous propose un nouvel extrait qui est très très bon, qui s'appelle Mirror View. Et on terminera avec une nouveauté qu'on a reçue il y a quelques jours seulement. C'est Larzovich avec un album digital qui s'appelle, c'est du cyrillique je crois, hein, ou du grec, mais je me suis renseigné, donc ça veut dire synthé en fait en français, donc synth. C'est paru chez Conical Records en collaboration avec un autre label qui s'appelle Assess. On s'écoutera donc Larsovich avec Moy Stakan, une nouveauté qui nous est envoyée par par Arnaud. C'est une private joke, je voulais la faire ça. Ouais, non, ouais. Amo Dali, bah voilà, un mot, voilà. Mille pardon. Mais bon, je pense que ça la fera bien aussi. Bah oui, carrément. Allez, ça c'est de la promo en tout cas, c'est parti, on termine l'émission là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine avec plein d'invités et un hommage à Stéphane de Nuit Brouillard. Walter, à la semaine prochaine, ciao. Ciao. l'actu électro-indus sur l'île. Ça rapproche. Ein Schauspieler. En live sur Galaxy FM 95.3 ou en